Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 47e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On commencera en live avec Anthrax et I Am The Law, c'est sur Among The Living, sorti en 1987. On peut entendre aussi Chaos With Moss, Skeleton In The Closet et Imitation Of Life, entre autres. Je diffuserai ensuite Ghost of War par Def Leppard, c'est sur l'album Hysteria, sorti le 3 août 1987. On retrouve aussi Pour Some Sugar On Me, Love Bites et Hysteria. C'est leur plus gros succès commercial, avec quelques 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. On s'écoutera ensuite Qu'est-ce qu'on attend de NTM, c'est sur l'excellent Paris Sous les Bombes, sorti le 29 mars 1995, leur troisième album studio. On peut entendre aussi Tout n'est pas si facile, Old School et Pop, notamment. Je passerai ensuite Fight for Your Rights des Beastie Boys, c'est sur le premier album License for Free, paru en novembre 1986. On peut entendre aussi She's Crafty, Possessing Effect et Brass Monkey, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec les Slakers et Married Girl, c'est du live à Ternesto, sorti en 2000. On retrouve aussi Sooner or Later, Do You Know et Feed My Girl, notamment. There, right? Another one from that album. This is about Mr. Judge Dredd. This is entitled I the You Got It. We'll be right back. Yeah.

Well, she called me up on the sly. She said, please don't tell all your friends, because they might tell my husband, and then you know I'll never see you. You know I probably won't abuse you, and I'm sure we will be missing. So I called you on the sly. Please don't ask, cause you know why. Well, I won't lie and say I like the way you sound at me. It's not something like in the way you sound at me. So I see you at 6:30. Told her only trouble. Oh, the only trouble. I just made it double. I'm always singing then the conversation. I said I'll meet you at the station. Still, I couldn't help but think as I drive up into Meeker. What the hell am I doing? What the hell? And what the hell am I gonna say? Married girl, don't you wanna smoke a little marijuana, take some time to have a drink, and think about what you're gonna do. Married girl, ain't you worried if our love is kinda hurting, that you'll be left falling for the time after your man has murdered me. Baby, when I saw you, I knew that I was a goner, and all the things I meant to say, well, I just forgot in our first kiss. Went through your husband in the river. Now it made me kinda send flowers to his mother, so we could see each other. Last a foul about 3 weeks, and now we don't even speak. Girl, don't you wanna smoke a little marijuana, take some time and have a drink, and think about what you're gonna do. A married girl, ain't you worried if our love is kinda hurry, that you'll be the only one, because I left a man has murdered me, that you'll be left wanting more. In the time after, your man has murdered me. Vous êtes toujours dans cette 47e Vampire Flix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc. I Am De Lo en live de Atrax. God of War de Def Leppard. Qu'est-ce qu'on attend de NTM? Fight for Your Right des Beastie Boys. Et on a fini en live avec Married Girl des Slakers. On poursuivra cette émission en live avec Rammstein et le classique Spiel mit mir. C'est sur Zenzurt, leur deuxième album sorti le 22 août 97. On peut entendre Engel, Duast et Altman, le morceau qui m'a fait découvrir et aimer Rammstein. Je diffuserai ensuite Man with a Dog des Dead Kennedys, c'est sur Skateboard Party, sorti en 1982. On retrouve aussi Nazi Punk Fuck Off, Forward to Death et Kill the Board notamment. Je diffuserai ensuite Planet Caravan par Pantera. Et oui, à la base, c'est un morceau de Black Sabbath. Mais là, c'est sur Far Beyond Driven, sorti en mars 1994. On peut entendre aussi Becoming, 5 Minutes Alone, I'm Broken, notamment. On s'écoutera ensuite Hamburger Train de Primus. C'est sur l'album Pork Soda, sorti en 1993. On retrouve aussi My Name is Mud, Nature Boy et Pork Soda. Je passerai ensuite Strippers de Body Count. C'est sur le Violent Demise de Last Day, leur troisième album sorti en 1997. On peut entendre aussi Truth or Death, Music Business et Last Days notamment. On a commencé ce bloc en live, alors on le finira en live avec Haute Tension de la Funky Family. C'est sur Art de Rue, sorti en 2001. On peut entendre aussi Art de Rue, Mystère et Suspense, Nick Too, enfin bref, que des tubes.

pleasure that you do. Yeah, yeah. Said I was the best gentleman of the dog. I should admire you to work it back again. But you, I won't go away. He's up seriously. Turn one way up for all the things. Picture yo, round and turn to the horse. Yo, yo, I'm not such a fool. And I'm like a man. Yeah, so I laugh. Why? Why? I will get a fee tomorrow. Turn to the man of the dog. Get a fee of the thing. Give it a wall to me. He asked my friend to join on. Never ever, I'll be a lot. There is what I'm about to find it. That's what you are. Yeah, you, yeah, you. You're a pilot that to hurt you. See you. There's a bunch of two. And I just got a laugh. Yeah, got a laugh. What's inside? You don't care. Stop with me. It's just a care. Go to work, get a cash check. I'm home and I'm gonna pay the rent. I'm a team with a football game to hit them. Shut up and go away. Cover your eyes when you see me on the street. He's crazy. He's got fun. But not us. Oh no. While you, your Richard Corporation, butt-fucked lives, slowly disintegrate. Trashes. Ashes, we all fall down. train, right? Thank you. money, take my life. I diss my friend, I diss my wife. Every night I'm in the front row waiting, contemplating, masturbating. Tell me what to do, and it's done. You whisper in my ear, tell me I'm the one. Last night I think I gave you 15 hugs, but as for a date, I can't get one. Watch you as you move beneath neon lights. The strobe lights seem to make you move like an X-rated movie queen. I love watching you stroke and fondle your pussy as you push your big silicone tits together like dick against a pulse. Your body is unimaginable. You're the most beautiful woman I've ever seen. The spider tattoo on your neck is so sexy. Did you take ballet? All of a sudden your eyes are locked on the mine. You're walking toward me. I love you. I want to marry you. I want to give you everything I'll ever own. I want you to have my children. The whole room is moving in slow motion. Then you lean over to me and you say those words, those special words I've waited on a woman to say my whole entire life. Hey, swinger, you want a lap dance and some $500 Chablis Rose in the executive D'Elegance high roller room? Bitch, I want my dick sucked! I want my dick sucked. I wanna bust a nut. I want my dick sucked. You're worse than a whore. You won't fuck. You're worse than a whore. You won't fuck. You're worse than a whore. My pants, girl, I killed for you. Take my tools, my cans. Put that pussy on my dick and baby, move that ass. Your tits are so fat, I wanna suck them dry. Put your clit in my face, I just run dry. Stick that ass out, stick it out, baby. You simulate, you suck on my dick, drive me crazy. I wanna ram it in your ass right now. Tonight I think I gave you damn near 2,000. Put your boots on my dick, you make my balls turn blue. Don't make me rip you. Shipper, I want my dick sucked. Shipper, I wanna bust a nut. Shipper, I want my dick sucked. Attention, attention, attention. Fais toi, de quoi te concerne. Attention, ton coup contre un ouvert. Attention, les larmes d'une mère mettent sous attention. C'est FFA, c'est sous attention. Le matos sous le siège. Attention, civil CRS. Attention, les sacs pleins de billets. Attention, FF Marseille. Sois attention. Tu parais très long, profond, sans violin. Mais la vie reste cruelle. Quand de gars, tu te fuis dans une ruelle. Un jeune qui le flic, bah ça t'a pas été rejoint. Toi, tu es tous ces gosses qui depuis un putain se mettent à voler. Qu'est-ce que vous vouliez? Tu disais désolé. Moi, aura plus restera dur, quitte à vous affoler. Et si ça tienne, c'est ce moment depuis que je suis venu au match. J'ai rien vu de très beau, j'ai vu des bacs qui sont tombés tritons. C'est pas, elle est terrible, combat. Et jour de pas se faire robot. Pour qu'ils comprennent pas, jour de pas se faire baiser. On va baiser dans leur chair, mais tous prêts à se baisser. Ils désagressés, pas t'en livrer nos passés. Sur le gouvernement, quand on se lâche ouvertement, sans retenue, quel intérêt on a ce que l'ordre s'en met plus. Vu que leurs promesses sont jamais tenues. Sois attention, mais vivant par la grâce du trio. Pas le courage, tu pars froid ou très chaud. Moral zéro, ils sont rares les héros. On a que des mots pour te couer comme un raid d'héros. L'arme, l'arme, rasoir, matraque, pas de baseball. Chaque foyer sec, il bouge et fait chaud. Série d'électrochoc, transaction de coq. L'attente du verdict, réquisitoire du proc. J'attends drôle d'histoire, mon pote, juste trop vrai. J'crie vive la zone, fuck le progrès. J'ai si peu d'essence et tant de choses à cramer. J'ai si peu de temps avant que j'me taise à jamais. Alors j'peux pas me calmer, mec, j'veux la ramener. Texte armé de haine et ça prend de sûreté. C'est que tout pète, c'est bien dans notre intention. Notre effet, attention. Fin de soirée, bois concert, attention. Pompe, coton, crâne ouvert, attention. Les larmes d'une mère, mec, sois attention. C'est FF Marseille, sois attention. Le matos sous le siège, attention. Les civils CRS, attention. Un sac plein de billets, attention. C'est FF Marseille, sois attention. Qu'est-ce qui met sous attention? J'ai une inconnue sur Manix. Foutre un Suisse dans un aimant de GSX. Moi je commence là où toi tu t'arrêtes. Voyons les civils en face, dans les proches, la race de paraître. Vie dure, argent et main sale, frère, ça forge. Et puis tu peux pas imaginer tout ce que les miens savent faire. Je respecte sa forme, trouver le bonheur là où il est, peu importe sa forme. Aller chercher les armes, se retrouver au volant d'un poli, voir mère verser des larmes. Tout ça, mais sois attention, comme un pont pour pointer vers soi, ou apprendre tout son monde est en détention. Moi la famille a besoin d'argent et de carrière. Ce qu'on voit, la mort de près et l'éviter derrière. Être sous attention, quand même, on aime bien. Comme chacun des citoyens, on veut dominer le monde dès que ça vient. On désire produire des faits, profiter, car la vie est la plus grande fortune que Dieu nous ait donnée. Se m'attirer d'un roman, mais inspiré de réels faits. Au bon endroit, au bon moment, c'est comme ça que l'histoire se fait. Tu crois avoir affaire au chanteur à la croix de bois, faut aller. T'as 4 flèches, toujours aux abois, ouais, on faut aller. Ça vient de Mars, pas suite, pagnol. Une série qui sont là, des trahis, gros cannabis. Merci à Dieu de me donner ma chance, maintenir mon groupe vivant entier. C'est pas un jeu, non, on n'est pas là pour plaisanter. Lorsqu'ils nous ont quittés avant l'heure, c'est à souhaiter qu'ils aient trouvé mieux ailleurs. Ça sera pas bien, dur ici, à peu d'allégresse. Les jours se ressemblent comme deux gouttes d'eau, presque. On espère que la misère régresse. Mais cette pute triste, plus de fois, et que les maîtresses. De Mars, on part en croisade, on venait d'avant. C'est la même merde, quatre points de fond, c'est blava. Je laisserai qu'ils se mettent en travers de mon groupe de mes buts. Ni le fric, ni la dope, et encore moins une pute. Prends le bien ou le mal, ça m'est bien égal. Je continuerai, même s'ils rendaient nos phases illégales. T'aimes tant mieux, t'aimes pas tant pis. De toute façon, qu'est-ce que ça change, je trouve ça ton pire. Y'a plus d'enjeu, on lui sauver nos profits de vivre. Parler d'autres qui courent et d'autres plus dangereux. Fou prêt, espèce d'enfoiré, elle fou prêt. Moi, j'suis prêt. Soirée, boîte, concert, attention. Pompe, couteau, crâne ouvert, attention. Les larmes d'une mère, mais sois attention. C'est FF Marseille, sois attention. Le matos sous le ciel, attention. Les civils CRS, attention. Un sac plein de billets, attention. C'est FF Marseille. C'est FF Marseille, attention. C'est FF Marseille, attention. C'est FF Marseille, attention. C'est FF Marseille. C'est FF Marseille. C'est FF Marseille, attention. C'est FF Marseille, attention. C'est FF Marseille, attention. Bonsoir Marseille. Yeah. Ce soir, c'est le retour à la maison Marseille. Vous êtes toujours dans la 47ème map Afrique chaque semaine sur votre radio favorite. On vient de se faire un bon bloc là. Spiel mit mir en live de Rammstein, Man with a Dog de Dead Kennedys, Planet Caravan par Pantera, Hamburger Train, une sacrée instrumentale de Primus, Strippers de Body Count et on a fini en live avec Haute Tension de la Funky Family. J'ai envie de live cette semaine. Je diffuserai Back in Black d'ACDC, c'est du double album live de 1992. On retrouve aussi Thunderstruck, The Razor's Edge et Wall Lotorosi notamment. On continuera avec Motley Crue et Poison Apples. C'est sur Motley Crue, leur septième album sorti en 1994. En portant aussi Power of the Music, Misunderstood, Smoke the Sky. Tiens, un classique de chez classique, Killing in the Name of the Rage Against the Machine. C'est sur l'album Rage Against the Machine, sorti en décembre 91. On retrouve aussi Bomb Track, Bullet in the Head et Clean to Live, entre autres. Je diffuse ensuite Fight Them d'Alien Cabs. D'Aliens Cab, pardon, c'est sur Coming Soon, sorti en 2014. On peut entendre aussi Your Equal, Nothing Wrong et D-Tune, entre autres. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Les Shérifs et la saga des Shérifs. C'est sur Le Grand, Le Maigre, Le Petit et Le Gros, sorti en 1989. On retrouve aussi Pendant les Hauts et Courts, Je veux savoir pourquoi et De toutes les couleurs, entre autres.

massif, à force de glander, ils se sont dit assez. Viens à ras le bol, on fait un groupe de rock'n'roll. Au bout d'un vétérance, à travers toute la France, de saloon en saloon, triste comme des clowns, lâchés de faire la loi, ils jurèrent sur la foi. Fini les vacances, maintenant on va piller des banques. Écoutez l'histoire, attendant nos mémoires. Près de ces neuf shérifs, juste rien subversif. À force de blanchir, ils se sont mis à serrer. Carnaval, le monde en fait un groupe d'enquêtement. Ouais. Au bout d'un éveillance, à travers toute la France. De saloon en saloon, juste comme des clowns. Placé de faire la loi, ils jurèrent sur la foi. Alors on va embarquer tous les guitaristes qu'on va trouver. Et on va faire le morceau le plus con du monde. Vous êtes toujours dans la 47ème Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Back in Black en live d'ACDC, Poison Apples de Motley Crue, Killing in the Name of de Rise Against the Machine, Fight Them d'Alien Scab et la saga des shérifs en live. Par rapport à Rise Against the Machine, il paraît qu'il est en train de se faire un truc entre Massive Attack, Cypress Hill, enfin c'est pas net. Des nouvelles très vite. On continuera cette émission avec le classique Police Milice de Trust, c'est du live à l'Olympia en 2009, c'est un double album, on peut entendre aussi Palace, Sortez Griffes et Antisocial entre autres. Tiens, on va se faire un bon bloc de nouveautés. La première, ça sera Oma Culture de L'Homme Parle, c'est sur Obsolescence Programmée, sorti en 2016. On retrouve aussi Le Jour Viendra, Adomaso et Obsolescence Programmée notamment. Je diffuserai ensuite une chanson absurde, le nouveau titre d'Arnaud, c'est sur Human Incognito, sorti en 2016. On peut entendre aussi Peace Exist, I'm Just Another Motherfucker et Never Trouble Trouble, un excellent album. On s'écoutera ensuite Stray Dog de New Order, c'est sur Music Complete, sorti en 2016. On peut entendre aussi Restless, People on the Highline et The Game entre autres. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live et en nouveauté avec Vieux Frères de Fauve. C'est sur 150 900, l'album live sorti en 2016. On retrouve aussi Sous les Arcades, Jennifer, Talula et une version surdynamitée de Blizzard. Un top, top, top album. Tu gagneras de l'argent à faire chez les gens. Tu portes l'uniforme. Société de consommation à pas de képi. Police, milice. Police, milice. Police, milice. Sûr. Souvenir entre les putains racolés, les jeunes tabassés, prestige de l'uniforme, connerie sous toutes ses formes. Là tu pourras crever en paix, en toute liberté. Police, milice, organisé. Mal éclairé, circassien dans ta roulotte, compteur aux histoires qui débloquent, danseur narguant la gravité, gratte papier sous publié, caméraman dopé au flou, funambule un peu trop fou, éclairagiste à l'aveuglette, mangeur de clowns, trouble fête, parolier, bouffeur de rimes, comédien, chasseur de mimes, créateur dont la poussière en baise avec les enfers. Yeah. j'ai vu un serpent qui monte sur un vélo. J'ai vu une vache qui danse un tango. Je chante une chanson absurde, telle elle est. Une chanson absurde. J'ai vu un renard qui fume un pétard. J'ai vu une mouette avec des lunettes. J'ai vu un poisson mouillé. Tu chantes une chanson absurde, telle elle est. Une chanson absurde, trois minutes. Yo. Filet de macro. Mon chien, il mange gratuit. Mon chien, il s'en fout de la poésie. Je chante une chanson absurde. secret of happiness is unconditional love. Why don't you miss me? Well, sometimes I do. Like when you're away, I feel the need for you. I feel it like the day we met all those years ago. Those times are hard to hold on to, but nothing stays the same. We are forever moving, like the dancing of a flame. Life is so unstable, always changing. It never stays the same. Like the atom in that bomb that causes so much pain. Maintenant, on va vous parler un petit peu de notre histoire, si ça vous dérange pas. Vieux frère, je vous écris en pensée alors que vous êtes sûrement déjà en train de dormir. Cueilli par le sommeil, à part évidemment notre vieux frère qui veille et les autres vieux frères qui se lèvent de l'autre côté de la terre. Vieux frère, c'est une nuit claire et silencieuse, le blizzard du dehors est enfin reparti. Je voulais profiter de ce moment de répit pour vous parler de quelque chose d'important. Vieux frère, il y a longtemps, plusieurs années déjà, vous m'aviez offert une amulette, un genre de talisman. Qui m'avait pratiquement sauvé la vie, qui m'avait permis de mieux voir, de distinguer les cordons d'argent. Malheureusement, vieux frère, on me l'a enlevé. Il s'est éteint après avoir clignoté comme un néon fatigué. Je l'ai perdu, puis retrouvé, puis reperdu et reperdu encore 100 fois jusqu'à baisser les bras. Et pourtant, vieux frère, contre toute attente, je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Je sens que quelque part à l'intérieur, ça recommence à bouger, que les pulsations reprennent. Vieux frère, au début, elles étaient très faibles et très espacées, au point que je les entendais même pas. Mais depuis, ça s'est accéléré petit à petit. Depuis, on dirait que la machine que je pensais hors circuit est en train de redémarrer. Vieux frère, ça a commencé il y a plusieurs mois, mais au début j'ai pas relevé. Comment est-ce que je pouvais me douter en même temps? J'ai pas remarqué tout de suite les flashs colorés dans le noir, les éclats furtifs sur les parois et les visages. Vieux frère, d'abord c'était sous les arcades lorsqu'on a cru toucher le fond et y rester pour de bon, mais qu'on a réussi à resserrer le cercle par deux fois. Puis ensuite, y a eu les fumigènes, les fusées parachutes tirées de partout, comme des cris de ralliement faisant écho dans les vallées. Ensuite, ça a été autour du vieux frère qui a changé pour devenir sage, puis autour de l'autre vieux frère qui s'est remis en selle pour toujours. Je me rappelle aussi de ce soir du mois de mai, du jeu de fléchettes, et qu'on était encore rentrés seuls comme des cons, mais soulagés d'en rire. Et puis après, vieux frère, après, y'a eu la route, y'a eu la route, vieux frère. On traversait les grands espaces du Loiret quand j'ai vu notre vieux frère prendre une photo avec ses mains. Et enfin, vieux frère, et enfin, y'a eu hier soir, à 10 000 pieds, alors que l'avion était plongé dans le noir, chacun votre tour, quelques secondes, comme un plongeur, comme dans les rues quand la nuit tombe. Chacun votre tour, vieux frère, vous vous êtes allumé, vous vous êtes paré d'un halo bleu doré, j'ai cru voir un tableau, le temps s'est arrêté. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus précieux, je vous le jure sur la vie de tous les vieux frères, sur celle des belles et sur la mienne. Vieux frère, crois que je suis en train de retrouver la vue. Vieux frère, tout ce que j'attendais depuis tellement de temps, c'est pour ça que je boxais dans le noir. J'écrivais des mantras en faisant violence pour y croire, sans savoir à quoi ça pouvait ressembler réellement. Parce que j'ai oublié, parce que j'ai oublié. Vieux frère, peut-être que je suis cintré, peut-être que c'est que dans ma tête, peut-être que je me suis trompé, peut-être que ça va disparaître. Mais pour l'instant, c'est là et bien là. Et pour preuve, j'ai dans le creux de ma main, au moment où je vous adresse ces phrases. Alors vieux frère, avant de se faire ken encore une fois, avant que les ténèbres avalent cette flamme, on va t'aider de rien, coudre et montrer les dents. On va replonger dans le torrent et peu importe pour combien de temps. Parce que maintenant on sait que ça peut exister, que c'est possible. Vieux frère, on va se casser de ce tunnel. Vieux frère, on va se casser de ce tunnel. On va se casser de ce tunnel. On va prendre notre revanche, vieux frère. On va gagner la paix. On va gagner l'appel, vieux frère. Hey, allez. Hey. Vous êtes toujours dans la 47e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Police Milice en live, un petit bloc de nouveautés, Homo Culture de L'Homme Parle, une chanson absurde de Arnaud, Stray Dog de New Order et Vieux Frère de Fauve. Ça vous dit un bon reggae en live ? Ok, ce sera Sweet Fanta Diallo d'Alpha Blondie, c'est sur le Live à Paris sorti en 2000, en pantant grossi Black Samurai, Assini Mafia, Journaliste en Danger, c'est un double album. Tiens, un bon son vinyle, Blue Orchid des White Stripes, c'est sur Get Behind Me Satan, sorti le 7 juin 2005. On retrouve aussi The Nurse, Little Ghost et Red Rain, entre autres. Tiens, une autre nouveauté, le dernier Amon Amarth, On a Sea of Blood. C'est sur Jump Viking, sorti dernièrement. On peut entendre aussi First Kill, Raise Your Horns et You One Against All, notamment. Je pense ensuite Brain Dead d'Exodus. C'est sur Pleasure of the Flesh, sorti en 1987 et réédité et enrichi en 2008. On retrouve aussi Deranged, Choose Your Weapon et une super reprise de Dirty Deeds Done Dirt Chips d'ACDC. Et on finira ce bloc en live avec Morning Sun de Field of the Nephilim. C'est sur Ceremonies Ad Mortem Ad Vitam, sorti en 2012. On peut entendre aussi From the Fire, Preacher Man, Celebrate et c'est un double album notamment. I keep on wondering every day. I keep on wondering. that yellow Fanta walking on a rainbow. Fanta, you're feeling on the candle lighter. Fanta kissing me on the burning rock. Fanta kissing me on the burning rocks. Sweet, sweet Fanta yellow. I love your rainbow, and I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, and I love your rainbow. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatry hospital. Psychiatry hospital. La, la, la. Cause I love you rainbow, and I need you rainbow. Yes, I love you, and I love you girl. Yes, I love you all, and I love you girl. Yes, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, rainbow, rainbow, rainbow. Yes, I love you, rainbow. Got to leave me, rainbow. I love you, I love you, visibly bright. Passing just above my head, the stench of putrid death. A rotting flesh of thousands dead dwells upon its wrath. I turn around, face myself, yet it isn't I. With the weights they run me through as I watch me die. We'll be right back. Vous venez d'écouter Sweet Fanta Diallo en live d'Alpha Blondie, Blue Orchid de White Stripe, On the Sea of Blood, le nouveau Amon Amarth, Branded d'Exodus et Morning Sun en live de Fields of the Nephilim. Cette 47e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Merci d'être encore de plus en plus nombreux à suivre cette émission chaque semaine. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Et on finira cette émission avec un morceau instrumental. Il s'agit de Hatched de Buckethead. C'est sur Empty Space, sorti en 2011. On retrouve aussi Warmers, Paulettes et Portable Pen, entre autres. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu !